pilot assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Le 8-9 commence maintenant avec Benjamin Maréchal. Salut tout le monde et bienvenue. Commençons par celle dont je ne me souviens plus du nom tellement ça fait longtemps. Julie, vous voyez, Jérôme Douarzé, la fille à côté de vous là. Ouais. Comment je souvenez quand c'est même. La première fois de ma vie que je la vois. Ouais. Vous vous souvenez Sarah du, elle venait là avant là. Je sais ce qu'elle a fait en tout cas, bronzée. Ah, oui, ça. Je n'avais que ça à faire. Ouais. Est-ce qu'elle n'était pas Christophe Grandjean dans La Nouvelle Star ou Dieu sait quel programme? Ne dis pas ça, une émission de télé-réalité. N'était pas dans Ouf. Ouais. Oui, dans le concours du plus beau chien. Voilà. C'est ça. Mais c'était pas moi le chien. Dans Star Academy, non plus. Dans C'est Julie Compagnon. Bah vous revenez de vacances. Oh vous. Vous savez, j'ai pris un petit peu de bon temps. J'étais voir ailleurs si j'y étais. Oh, la peste. Elle a mis un t-shirt blanc pour être sûre que ça se voit bien. Je voulais faire une rentrée discrète. C'est vrai. Sarah aussi a mis le t-shirt blanc, mais on dirait un cachet chez vous, Sarah. C'est pas pareil, non, effectivement. Non. C'est pas pareil. Voilà, Sarah travaille depuis longtemps déjà. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Denis, alors pour Sarah, il y aura du soleil pour lutter contre le cachet. Et est-ce que Julie pourra continuer son bronzage? Eh bien, les deux seront comblés. Ah, en yes. effet, puisque si encore quelques nuages le matin, eh bien, ils vont un petit peu se déchirer et les éclaircies seront plutôt pour l'après-midi. Ça tombe bien parce que finalement, eh bien, c'est là qu'on les attend, les éclaircies, je parle. Les températures iront de 21 à localement 26 degrés pour aujourd'hui. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, un nouveau classement mondial des universités. Les universités belges sont une nouvelle fois classées loin derrière les américaines, mais attention aux effets trompeurs de ce type de classement. Aux États-Unis, vous avez d'excellentes universités et un très grand nombre d'universités de niveau médiocre. La spécificité de la Belgique, c'est que nos universités sont très bonnes et la majorité des étudiants qui font des universités en Belgique le font dans des universités qui sont d'un niveau mondial. Nous détaillons le classement dans quelques minutes. Syndicats et politiques se rencontrent aujourd'hui pour parler de l'avenir du personnel de Caterpillar. Ils seront bien seuls, ils ne trouvent aucun interlocuteur au sein de l'entreprise. Une auto-école sociale à Charleroi, bien moins chère qu'une auto-école traditionnelle. Elle vient notamment en aide aux personnes qui peinent à trouver un emploi sans permis de conduire. Le changement climatique, c'est maintenant. Une étude montre que l'augmentation de la température provoque des maladies dès aujourd'hui. Chypre-Belgique, premier match de qualification pour la Coupe du Monde pour les Diables Rouges. Les Diables Rouges qui devront faire oublier la défaite face à l'Espagne. Et la rentrée qui se profile donc dans les universités. Et pour alimenter les discussions, un nouveau classement mondial des universités, on va y venir dans un instant. Mais intéressons-nous tout d'abord aux étudiants. La rentrée n'est que dans 2 semaines, mais certains d'entre eux sont déjà au travail. Ils viennent de sortir de secondaire et participent à des cours préparatoires. Vinciane Vautron est allée à leur rencontre à l'UCL Mons. Ce sont leurs premiers pas dans un auditoire. Ces futurs étudiants découvrent un nouvel environnement totalement différent de ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Liora est inscrite en ingénieur de gestion. Au secondaire, on a toutes les semaines des tests et donc ça nous permet de travailler régulièrement alors qu'ici, tous les examens sont en janvier d'un coup. Donc si on s'y prend trop tard, on n'a pas assez de temps. Donc il faut travailler régulièrement. Et du coup, on ne sait pas le faire spécialement de nous-mêmes. Dans le cadre de ce cours préparatoire orienté initiation au travail universitaire, les étudiants rencontrent profs et assistants. La méthode est une des clés de la réussite. Sabine Goumard est conseillère aux études au service d'aide à la réussite à l'UCL Mons. Tout ce qui est gestion du temps, méthode de travail, mémorisation, la prise de notes. Et donc, on les fait participer à un cours d'économie. Et puis, leur prise de notes va être exploitée lors d'un séminaire méthodologique. Parmi les 50 étudiants inscrits à ce module, 90% d'entre eux se retrouveront la semaine prochaine pour une remise à niveau en maths cette fois. Alexandre, futur ingénieur de gestion. Même si je sors de maths 6, j'aimerais me remettre dans le bain un peu parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de maths. Donc ça va plus vite. Oui, très vite avec les vacances. De quoi mettre toutes les chances de son côté avant de faire le grand saut dans la vie universitaire. Et on en vient donc à ce nouveau classement mondial des universités. Il s'appelle le QS World University Rankings, un classement annuel réalisé par une société britannique. Sur le podium des meilleures universités, on trouve sans surprise trois universités américaines. Côté belge, Catherine Tonnerot, une université fait son entrée dans le classement cette année. Oui, il s'agit de l'université de Mons, l'UMons qui porte à 8 le nombre d'établissements belges représentés, soit un de plus qu'en 2015 et sur les 17 universités que compte notre pays. Alors la première université belge présente dans ce classement est la KU Leuven à la 79e place, soit 3 places de mieux que l'an dernier. Il faut attendre la 154e place pour trouver la première université francophone. C'est l'UCL qui a perdu 5 places par rapport à 2015. L'ULB à la 216e position en a elle perdu 9. Le plus grand recul enregistré côté belge va à l'université de Liège qui tombe de la 265e à la 315e place. Sans surprise, vous l'avez dit, ce sont les universités anglo-saxonnes qui se partagent le haut de ce classement. À la première place et pour la 5e année consécutive, le Massachusetts Institute of Technology, suivi de l'université de Stanford, qui a pris la 2e place à la célèbre Harvard, désormais classée 3e. Et les universités belges sont loin du podium, donc, mais le classement n'est pas le critère le plus important en Belgique. C'est ce qu'explique Jean-Christophe Renaud, prorecteur à la recherche à l'UCL. Par rapport à d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, nous avons une mission qui est vraiment de faire en sorte que le maximum d'étudiants aient accès à l'université et qu'il n'est pas question de mettre cette mission en cause pour pouvoir monter de quelques places dans les rankings. Aux États-Unis ou en Angleterre, vous avez d'excellentes universités et un très grand nombre d'universités de niveau médiocre. Et la majorité des étudiants sont dans ces universités médiocres. La spécificité de la Belgique, c'est que nos universités sont très bonnes, peut-être pas dans le top 10, mais sont vraiment très bonnes. Et la majorité des étudiants qui font des universités en Belgique le font dans des universités qui sont d'un niveau mondial. Jean-Christophe Renaud de l'UCL au micro de Miguel Allot. À propos d'université, encore une centaine d'étudiants en médecine saisissent la justice pour obliger les universités à les inscrire en deuxième année. Il s'agit d'étudiants reçus collés, comme on les appelle, qui ont réussi leurs examens, mais qui ne sont pas assez bien classés dans le concours de fin de première année. En principe, donc, ils ne peuvent pas accéder à la deuxième année. Sauf que cet été, le Conseil d'État s'est opposé à ce système de filtre instauré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et les étudiants recalés vont donc tenter d'obtenir gain de cause sur base de cet arrêt du Conseil d'État. La fermeture de l'usine Caterpillar qui est à l'agenda politique aujourd'hui. Les syndicats seront reçus ce matin à la Chambre. Discussion aussi au Parlement de Wallonie pour faire le point sur l'état d'avancement des différentes procédures en cours et sur les négociations en coulisses. Des pourparlers avec les seuls syndicats. Le représentant de la société Caterpillar attendu aujourd'hui ne viendra pas par respect, dit-il, de la procédure Renault. Politiques et syndicats ont bien du mal à trouver un interlocuteur à qui s'adresser au sein de la société Caterpillar. Une situation que dénonce Maxime Prévost, le numéro 2 du gouvernement wallon. La direction ayant été elle-même licenciée n'a aucun mandat, aucune capacité de décision et le groupe Caterpillar aujourd'hui n'a pas identifié quelqu'un avec qui les syndicats peuvent commencer la négociation et avec qui les autorités publiques peuvent entamer les pourparlers. Et c'est ça qui est quand même affligeant. Quand on voit que vendredi dernier, le ministre-président avait convoqué ici la direction qui avait fait cette annonce et qu'elle ne s'est pas présentée ici à Namur, ça en dit quand même long sur les relations futures et peut-être sur qui a le plus d'atouts dans son jeu. En tout cas, moi, il y a quelque chose qui me sidère, c'est la situation de lâcheté du top management de Caterpillar. On recherche donc activement, enfin, un visage qui va pouvoir incarner le fait que quand Caterpillar décide quelque chose, il est aussi capable de l'assumer. Et aujourd'hui, c'est franchement la page blanche. Maxime Prévost, interrogé par Rudy Herman, c'est les mauvaises nouvelles pour l'emploi se succèdent, puisqu'hier, AXA Belgium a annoncé une restructuration. 650 emplois vont être supprimés dans les deux ans à venir au sein de la compagnie d'assurance qui veut recentrer ses activités et investir dans le numérique. Un peu plus tard dans la journée, la mauvaise nouvelle venait de CP Bourg à Otigny, dans le Brabant Wallon. La direction de cette entreprise qui fournit du matériel pour imprimerie compte se séparer de 88 emplois. La procédure Renault a été lancée. Une nouvelle réunion de la commission parlementaire attentat aujourd'hui. Elle se tiendra à huis clos. Objectif, fixer l'agenda des auditions dans le deuxième volet des travaux. Le premier volet était consacré à l'intervention des services de secours lors des attentats de Bruxelles. Ce deuxième volet concerne l'enquête. Il s'agira de déterminer s'il y a eu des failles dans les échanges d'informations entre services ou des failles dans la surveillance des auteurs des attentats. Vous le savez sans doute, pas facile d'apprendre à conduire quand on n'a pas beaucoup de sous. Eh bien, Charleroi, une auto-école sociale, vient d'ouvrir ses portes. Oui, c'est une auto-école qui est 30 à 40% moins chère qu'une auto-école traditionnelle. Elle s'adresse aux personnes qui ont peu de moyens financiers. Une initiative qui vise aussi à lutter contre le chômage, puisqu'avoir un permis de conduire est presque devenu une condition sine qua non désormais pour décrocher un travail. Pierre Moreau est le directeur de l'ASBL Chantier qui gère cette auto-école sociale. Depuis plusieurs années, nous constatons que le fait de ne pas disposer du permis de conduire constitue un véritable handicap. Ceux qui terminent leur formation chez nous et qui en plus ont leur permis de conduire, presque à tous les cas réussissent à se faire engager, ce qui n'est pas le cas des autres. Et donc, nous avons décidé finalement d'organiser nous-mêmes une formation en permis de conduire et de nous faire reconnaître comme auto-école. Et comment ça se passe pratiquement alors ? Alors pratiquement, nous formons non seulement nos propres stagiaires, mais nous sommes aussi à la disposition de tous les organismes d'insertion et de formation de la région pour qu'ils puissent, puisque eux ne sont pas reconnus en auto-école sociale, qu'ils n'ont pas de véhicule spécial adapté, etc., qu'ils n'ont pas les moniteurs brevetés, ils peuvent venir chez nous pour se former. Pierre Moreau de l'ASBL Chantier à Charleroi, interrogé par Christine Boroviac. Une nouvelle étude sur le réchauffement climatique maintenant qui montre que l'augmentation de la température de la Terre a des conséquences néfastes aujourd'hui déjà. Oui, c'est vrai que quand on parle du réchauffement de la planète, on évoque généralement la fonte des glaces, la montée du niveau des océans et les risques que des îles soient englouties à l'avenir. Mais le réchauffement a aussi des répercussions immédiates pour l'humanité à cause de l'augmentation de la température des océans. C'est ce que montre une étude menée par 80 scientifiques de 12 pays différents. Alors Aline Wavry, quels sont les effets immédiats dont il est question? Eh bien, ils sont multiples parce que les océans agissent comme tampons face au changement climatique. Ils absorbent la chaleur supplémentaire et tout ça a un coût. Notamment les différentes espèces, les planctons, les méduses, les tortues, les poissons, sont en train de migrer en direction des pôles, en direction du froid. Et selon cette étude, il s'agit d'une migration éclair jusqu'à 5 fois plus rapide que celle que l'on observe sur le sol. On est en train de changer de saison dans l'océan, selon ces experts. Et ça a des conséquences très concrètes pour les hommes. Oui, par exemple, en termes de sécurité alimentaire, parce que indirectement cela affecte les stocks de poissons. La hausse des températures détruit les habitats de certaines espèces et bouleverse la reproduction des mammifères marins. Dans les régions tropicales, la pêche sera moins bonne. Et puis, autre impact, là, en termes de santé humaine, le réchauffement climatique des océans entraîne une augmentation des maladies dans les populations végétales et animales. Les agents pathogènes se diffusent visiblement plus facilement dans des eaux plus chaudes. Et la solution, c'est quoi ? Ben, il n'y en a qu'une, diminuer les gaz à effet de serre, histoire de préserver la riche diversité de la vie marine. Merci Aline Wavreil. L'été n'est pas fini sur le front des incendies. Plusieurs incendies touchent à nouveau le sud de la France. À Marseille, un feu s'est déclaré hier dans les Calanques, près d'un campus universitaire. Les flammes ont été attisées pendant plusieurs heures par un violent mistral. La situation s'améliore ce matin, mais 300 hectares sont partis en fumée. Des feux de forêt aussi au Portugal. Plus de 2000 pompiers mobilisés hier soir. L'incendie le plus dévastateur a été signalé dans le centre du pays, près de Coimbra. Les pompiers sont assistés de bombardiers d'eau et d'hélicoptères. Des réfugiés continuent de perdre la vie. Les gardes-côtes italiens annoncent avoir secouru 2700 migrants hier en Méditerranée, mais 15 personnes ont été retrouvées mortes. 8h11, c'est le 8-9 Sport maintenant, avec du football évidemment. Chypre-Belgique, c'est ce soir. Un match qui lance la campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde en 2018. Les Belges ne peuvent pas se louper après une sortie catastrophique contre l'Espagne jeudi dernier en match amical. Les Bibrouzakis. Effectivement, Christophe, les Belges se sont inclinés 0-2 en jouant très très mal et le public mécontent a même sifflé les Diables Rouges. Cela faisait très longtemps que cela n'était plus arrivé. Eden Hazard, le capitaine, sait pourtant que cela fait partie du jeu. Ça fait partie du foot, hein. Les supporters ils viennent voir le match, ils voient l'équipe sur le terrain, ils se disent non, on a une super équipe, on joue pas assez bien, donc c'est normal qu'ils sifflent, même si c'est vrai que des fois on comprend pas toujours, parce que voilà, on a quand même fait depuis quelques années des belles choses, et là tout d'un coup tout le monde a oublié ce qu'on a fait ces trois dernières années. Mais voilà, on accepte, on est joueurs professionnels. Des fois, on se fait siffler. Et voilà, l'année dernière, je me suis fait siffler à Chelsea et j'essaie de revenir à mon meilleur niveau. Donc, tous ensemble, on travaille pour qu'il n'y ait plus de sifflets et qu'à la fin des matchs, on voit des sourires sur les visages des supporters. Interview signée Manu Jousse, Réunion Équipe, l'entraîneur Roberto Martinez pourrait opter pour une défense à 3 avec Alderweireld, Vermaelen ou encore Vertonghen. Meunier et Carrasco sur les côtés, Romelu Lukaku devrait commencer devant. De Bruyne devrait lui aussi commencer la rencontre malgré son très mauvais match, c'était jeudi contre l'Espagne, on l'a dit. Le match à Chypre s'annonce difficile, la dernière fois que la Belgique s'y est rendue, elle ne s'était imposée que 0-1 avec un but d'Eden Hazard dans les dernières minutes. Chypre-Belgique à 20h45 ce soir, à suivre sur Vivacité, sur la Une et sur rtbf.be/ovio. Deux mots enfin de l'US Open de tennis. Murray, Del Potro, Wawrinka et Nishikori se sont qualifiés pour les quarts de finale. Chez les filles, qualifications de Serena Williams et de Halep. Pliskova a sorti Venus Williams et Radzvanska a été aussi éliminé. Et ben voilà du renfort pour les Diables Rouges. Qu'on mette Venus Williams en attaque, Jérôme. Vous croyez pas que c'est la meilleure solution? Un duo Michael Phelps, Venus Williams et Eden Hazard derrière. En porteur d'eau pour Michael Phelps. Bien sûr. Vous avez un plan B, Julie Compagnon? Par rapport à... Ok. Laissez. Allez, les Diables, retournez, on va gagner. Retournez au camping des Flots. Ah, vous parliez football, excusez-moi. Non, mais ne vous inquiétez pas. Normalement, à cette heure-ci, vous faites quoi? De l'aquagym? Oui, à cette heure-ci, je faisais l'aquagym, exactement. Voilà. Et moi, je viens vous parler travail, alors que c'est l'heure d'aquagym. Excusez-nous, pardon. Mais enfin, quel homme suis-je? Notre invité tout à l'heure s'appelle Vincent Engel. C'est un auteur belge, c'est toujours un petit événement. Il publie Le miroir des illusions, l'histoire du jeune Athanasio qui va découvrir chez le notaire une lettre envoyée par son protecteur Don Carlo qui est mort. Et que lui demande Don Carlo? De tuer tous ceux qui lui ont fait du mal tout au long de sa vie. Sa femme, son amant, ceux qui sont passés par là. Et c'est pas tout, Christophe. Il va le faire? Non, ben ça vous verrez à la fin. Surtout, il doit les tuer et avant leur faire peur, leur infliger une souffrance incroyable. N'est-ce pas délicieux, Sarah? C'est glauque. Oh non, je trouve ça délicieux. Vous trouvez pas ça délicieux? Délicieusement glauque. Genre de truc qu'on peut lire à la piscine. Ouais, j'adorerais. Voilà, alors stop à l'aquagym maintenant. Il est 8h15, cactus. Hier, la presse a donc dévoilé la lettre de licenciement envoyée par Caterpillar à tous ses travailleurs. Qui a rédigé cette lettre? Qui a avalisé le texte? Qui a autorisé son envoi? Nos micros, évidemment, étaient là lors des discussions. Bien, les gars, bon, ben, j'espère que c'est du papier recyclé. Comme ça, on ne pourra pas dire qu'on ne recycle rien. Alors, Gosselies, le 2 septembre. Ouais, c'est bien ça, les gars. Gosselies, le 2 septembre, on sent que ça vient du cœur, déjà, c'est bien. Très, très chers collègues. Bon, déjà, les gars, vous enlevez très très cher, hein, pas la peine d'encore plus inquiéter les actionnaires. Cynique, oui, mais digne. Collègues, ce matin, un conseil d'entreprise extraordinaire, oh, c'est bien ça, a eu lieu au cours duquel un représentant de la corporation a communiqué une annonce très difficile pour nous tous. Pour nous tous, c'est fort ça. Il faut que le soudeur qui va perdre 1600 euros par mois comprenne que l'actionnaire qui n'en touchera plus que 7 millions ait la même douleur. Donc, pour nous tous, vous surlignez en rouge et vous faites qu'un peu couler l'encre. Là. Pour la première fois dans son histoire, Caterpillar fait face à une diminution de son chiffre d'affaires sur 4 années consécutives. Ouais, mettez 18, hein, on va... Dans ces conditions, le groupe a décidé d'un plan de restructuration au niveau mondial étalé jusqu'en 2018. Mettez 2060, hein, prémunissons-nous. L'objectif étant de diminuer les coûts de production et d'économiser 1 milliard... Enlevez tout ça, on n'a pas justifié. Et qu'est-ce que vous croyez qu'ils y connaissent à la gestion? La corporation vient de nous annoncer qu'elle envisage, et de satisfaire les actionnaires qui n'ont vu leur bonus grimper que de 1126% ces deux dernières années. Ça va crisper, ça. Quand on se sucre, il faut sucrer. Hein. Immoral, mais discret. Donc. Elle a confirmé la consolidation des activités de service à d'autres sites étrangers, là où les syndicats ne viendront pas nous faire chier. Non, les gars, non. Enfin, même si la vérité crève les yeux, il faut toujours faire en sorte que le peuple reste aveugle. On le sait, ça. Hein? Mais non, c'est pas Gilbert Montagnier qui a dit ça. Que vous m'énervez? Cela impliquera la fermeture du site... Ouais, rajouter malheureusement après chaque mot, hein. Si, même après la dune, ainsi que le licenciement de tout le personnel. Ça c'est brut, ça. Remplacer licenciement du personnel par réaffectation post-destitutive. Voilà. Vous comprenez l'idée? Vous comprenez pas l'idée? Eh ben c'est justement ça l'idée. Conformément à la loi, on est quand même gonflé. Hein. Le conseil d'entreprise entame désormais la phase de consultation de la loi Renault. C'est qui ça Renault? Ah, les bagnoles, Renault! Oh là là, oui, enfin bon, bah oui, non. Non, à la tête d'une entreprise de bagnoles française, je vous dis tout de suite que ça ne marchera jamais. Hein. Moi, je. Oui, non, mais je sais qu'à Touring Secours, ils roulent tous en Renault, c'est bien ce que je dis. Pour conduire sa bagnole, il faut être mécanicien. Hein. Bon. Nous ferons de notre mieux pour que cette phase se déroule de la meilleure façon possible en privilégiant le dialogue. Bon, enlever, nous ferons de notre mieux, hein, les gens n'y croiront pas. Enlever aussi de la meilleure façon possible, idem, et alors vous supprimez en privilégiant le dialogue, parce que là nous-mêmes on n'y croit pas. Qu'est-ce qui reste de la phrase ? Que cette phase se déroule. Laissez juste déroule. Non mais déroule, c'est positif, il y a un mouvement dans l'inertie. Et seront prévues des réunions d'information, etc. Alors nous tenterons d'apporter la clarté nécessaire. Ah, c'est bien ça. Et étudierons les pistes permettant de réduire l'impact social. Oh, c'est bien. Ah, bravo les gars, jamais je vous confie mon argent, c'est bien. Cette année s'annonce difficile, nous touche tous. Ouais, c'est bien ça. Nous, ouais. Nos familles, ouais. Rajoutez aussi nos animaux de compagnie, comme ça on aura peut-être même une chance d'être dans Sud Presse. Je comprends et partage votre déception. Bon, partage, mettez-le en gras, hein, pour une fois qu'on a quelque chose à partager. En particulier après tous les efforts que nous avons déployés ces dernières années. Ouais, c'est bien. Afin de vous tenir au courant, vous pourrez surfer sur notre site InfoC4. Non, pas InfoC4, les gars. Les gars! Par ailleurs, en plus du service médical, d'une prévention suicide, d'une ligne d'assistance psychologique... Dites qui paye ça? Connaissez les tarifs Proximus en journée? Doucement, hein, sinon on va devoir fermer le site de Bucarest pour payer les factures. Nous comprenons l'émotion, gna gna gna, bon, on rajoute une centaine de synonymes, voilà. Bon, alors, je relis rapidement. Collègues, très difficile, moins de bonus, on ferme, déroule, ne compte sur personne et tire ton plan. Parfait, bon, voilà, ben, j'espère qu'ils ne sont pas sur échec ça. Vous m'envoyez ça et on part à Grenoble. Le cactus de ce matin, élégance froide, Jérôme de Warzé. Tact, oui. Jérôme de Warzé. Pudeur. Jérôme de Warzé. Cynisme, ouais. Cynisme. J'en ai pas d'autres, j'en ai pas un autre. Mariage et bar mitzvah, Jérôme de Warzé. Après d'amis, Sarah vient avec, elle fait les cocktails, boum, la soirée est réussie. Ah. Et Christophe vient raconter des blagues. C'est comme ça que ça se passe. On peut essayer. Voilà. 8h20, c'est ça le 8-9. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Comment ça roule à 8h20? On va demander à notre motard Europe Assistance, Tonton Serge, qui est avec nous. Rebonjour Serge. Rebonjour. Alors je viens d'abord avec une bonne nouvelle, puisqu'on avait tout à l'heure un accident dans le carrefour Léonard, donc quand on venait de Namur, direction Ringsaventem, il n'y a plus rien. Je viens de passer il y a 10 minutes, ça circule tout à fait normalement. Sinon, à part ça, les fils sont tout à fait classiques, il y a pas mal de chantiers, notamment, je vous le rappelle encore une fois, sur le boulevard, voilà, maintenant j'ai oublié le nom, en face de l'ULB, à Franklin Roosevelt, voilà, où ça circule en deux bandes. Voilà. Merci beaucoup Serge, restez prudent évidemment sur votre moto. On vous repassera un petit coup de fil tout à l'heure après le journal bruxellois de 8h30. En attendant, des contrôles, il y en a aussi à la STIB aujourd'hui jusqu'à 14h sur la ligne du bus numéro 13. N'oubliez pas de passer votre abonnement, c'est important évidemment. À tout à l'heure. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Chou, le plombier est là. C'est le menuisier? Le carreleur est aussi arrivé. Eh ben voilà déjà le peintre. Avec Dagmar Buys, vous avez tous les spécialistes de la salle de bain à votre disposition, sans souci. L'équipe de Dagmar Buys rénove votre salle de bain de A à Z dans les plus brefs délais, selon vos goûts et votre budget. Dagmar Buys, inspiration, rénovation. Contactez-nous sur dagmarbuys.be. Bonjour Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée de Mons 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Viva Bruxelles et la 3 présente L'île au trésor dans une adaptation de Thierry Janssen. Après les trois mousquetaires, revivez une aventure extraordinaire. Un trésor, des pirates, un bateau et des personnages hauts en couleur pour toute la famille à partir de 5 ans. À voir jusqu'au 23 octobre au Théâtre Royal du Parc. 02 505 30 30 ou théâtreduparc.be avec la Libre Belgique. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurance vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Profitez avec l'option smartphone de vous du Samsung Galaxy S7 Edge à 199 euros. Vincent, pince-moi, je crois que je rêve. Aïe ! Non, c'est toujours pas mieux là. Renverse-moi ce seau d'eau sur la tête. Oh, c'est froid ça ! Alors, prends cette batte là et vas-y, frappe-moi vraiment, vas-y. Ah, non, ah bah c'est que je dois peut-être pas rêver alors. Les smartphones de vous, hier dans vos rêves, aujourd'hui dans votre poche. Avec un des forfaits Vous Mobile, profitez de notre gamme de smartphones à prix de rêve, disponible sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition. Une place près d'un mur, attention à ma voiture, check à gauche, check à droite, ferme la porte et puis s'en va. Avec les caméras 360 degrés, se garer est un jeu d'enfant. Profitez de nos Techno Deals du 8 au 17 septembre. Il y a déjà un Nissan Qashqai à partir de 19 990 euros. Nissan. Innovation that excites. Offre soumise à condition. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix, accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Bon, au travail, tout à l'heure dans l'actualité musicale, il y aura quoi, Julie ? Alors, on a aujourd'hui le grand retour du maître, le grand retour de Sting. À 64 ans, il revient avec un 12e album studio, donc j'ai hâte de vous en parler. Ah bah, j'ai hâte d'être là tout à l'heure, c'est dans 20 minutes. Vous pouvez également nous rejoindre pour le Kikadi. Un cadeau à la clé, une citation identifiée, vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table en vous inscrivant au 3063 SMS. Vous indiquez « je veux jouer », même avec des fautes d'orthographe, c'est pas grave. « Je veux jouer ». Avec « et » accent alors, c'est ça ? Bien sûr, ouais. « Je veux » V-E-U, ouais, avec T à la fin. Jouer. Je veux, ouais, je veux avec T. Et vous indiquez donc, je veux jouer, nom, prénom, coordonnées. Vous savez que c'est la rentrée pour les enfants. Et en plus, les enfants sont dans la voiture. C'est pas vrai, les enfants. On rigole, on rigole, c'est qu'ils vont à l'école. Le monsieur rigole. Mais non, vous voyez bien que tous les enfants disent, il est idiot, le gars de la FDPF. Pour ne pas devenir comme lui, aller à l'école. Grand Jean, je suis. On peut pas terminer dans une station service. Je t'habite aussi, Desmarzés. 8h25, le Zap Télé, Sarah, on va débriefer. Fait à les nouvelles émissions de France 2 l'après-midi. Que de chamboulement l'après-midi avec pas moins de 4 nouveaux rendez-vous qui se suivent. À 14h, c'est Stéphane... Non, c'est Frédéric Lopez qui ouvrait le jeu avec sa nouvelle émission, Mille et une vies. Alors, il reçoit un invité, c'est très intime. Et en deuxième partie, on a Mille et une vies croisées où là, on retrouve des chroniqueurs avec des reportages très feel-good, très télé-positive. Apparemment, c'est assez bien reçu dans la presse. C'est nouveau, c'est du Frédéric Lopez qu'on adore, évidemment. Ouais. Et c'est plutôt bien perçu. Juste après, on a Stéphane Bern, à 15h40. Personne n'a un commentaire sur Frédéric Lopez. Deux fois, je vous ai lancé la perche. On ne dit pas de mal de Frédéric Lopez. Non, mais il y a une espèce de consensus, on ne peut pas dire de mal de Frédéric Lopez. On peut dire du mal du pape, mais pas de Frédéric Lopez. Et de Stéphane Bern, est-ce qu'on peut dire du mal ? On va voir. On peut rire, avec un nouveau rendez-vous, c'est visite privée. Un petit clin d'œil avec ses secrets d'histoire aussi, à mon avis, en prime time sur France 2. Alors là, on le retrouve dans un décor très lourd, la baroque, avec des fauteuils, baroque. Beaucoup d'or derrière lui, etc. Il est lui-même chargé. Oui, surtout en cheveux. Ouais. Un thème par jour qui développe avec des invités qui ont la tchatch ou pas, avec des reportages aussi. Là, apparemment, c'est Le Soir qui nous dit que c'est plutôt un flop, ça manque de rythme, c'est très mou. Et dans la DH, on est un peu mitigé aussi pour Stéphane Bern. On nous dit c'est l'heure de la sieste, mais quand même, faut pas pousser. Là, elle balance. Sur l'autre, elle n'avait pas balancé. Voyons sur le troisième. Mais elle dit c'est Le Soir qui a dit que pour pas trop se mouiller. Oui, c'est ça, oui. Alors, troisième, Amanda Scott, une petite nouvelle. Alors, c'est étonnant, hein, France 2 démarre son après-midi avec deux pointures, Lopez et Bern. Et là, c'est Amanda Scott, une petite nouvelle. Alors, elle a tout fait, elle est mannequin, elle est très très jolie. Elle a été Miss Météo sur M6 aussi. Elle a animé quelques prime événements sur France 2. Et là, on la retrouve en quotidienne avec Amanda, tout simplement. C'est un talk show genre Hélène Dégénéresse, vous voyez. Donc, people, défi, franche rigolade, etc. Elle était assez stressée. Et puis, on a Thomas Touroud juste après pour un show sur l'actualité, Actuality à 17h45. Pas trop mal, mais à mon avis, qui aura difficile à s'ancrer à cette heure-là. Bon, bah alors vous regardez, vous vous faites un avis, et demain on balance en disant que c'est Le Soir qui a dit que. Comme ça, on est tous préparés. Ainsi va la vie. Du 3 au 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous devriez manquer ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux? Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort. Bonjour, je viens pour la Golf. Oui, bien sûr, il y a déjà une Golf All-Star à partir de 14 990 €. Oui, je sais, je la prends. Vous savez qu'elle dispose de jantes en alliage. 16 pouces, oui, de vitres teintées, d'une climatisation, oui, tout à fait. Ouais. Une série superbe. Et super équipée, oui, je sais, je la prends. Pendant les portes ouvertes jusqu'au 20 septembre, profitez de nos conditions exclusives sur toute la gamme Volkswagen. Par exemple, une Golf All-Star super équipée à partir de 14 990 €. Prime de recyclage conditionnelle de 1 500 € déjà déduite. Rendez-vous chez votre concessionnaire Volkswagen. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et Pack Lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Ne cherchez plus les meilleures affaires. Ce sont les Container Deals de Mediamart. Sous les projecteurs, une TV LED Full HD Samsung pour 499 € seulement, soit 150 € de moins. Maintenant dans nos magasins et sur Mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mardi. La fermeture de l'usine Caterpillar à l'agenda politique. Aujourd'hui, les syndicats seront reçus à la Chambre et au Parlement de Wallonie. Le représentant de la société Caterpillar était attendu aussi, mais il ne viendra pas par respect, dit-il, de la procédure Renault. Un nouveau classement mondial des universités, trois américaines en tête. Côté belge, la première université est la KUL à la 79e place. La première université francophone est l'UCL 154e. Premier match qualificatif à la Coupe du Monde de football pour la Belgique. Les Diables Rouges sont à Chypre pourvu qu'ils soient meilleurs que contre l'Espagne. Eh bien, trouvez le Marcel et les sandales. Température aujourd'hui à 25 degrés. Soleil, le temps qui reste sec. Disons que c'est l'été qui continue. Il est 8h30. L'info de notre région. Bonjour Bruno Schmitz. Bonjour Benjamin, bonjour à toutes et tous. On démarre avec ces perspectives peut-être pleines d'avenir pour des travailleurs de Caterpillar et d'AXA, deux sociétés qui viennent d'annoncer des licenciements. La STIB va adresser aux deux directions pour rappeler qu'elle recrute. La société de transport bruxellois a en permanence plusieurs centaines de postes à pourvoir. Ce n'est pas une première. Par le passé, la STIB avait déjà contacté la direction de Sabena Technics, par exemple, pour proposer certains jobs en atelier aux ouvriers qui perdaient leur travail. Écoutez, Françoise Ledune, c'est la porte-parole de la STIB. Nous venons de la contacter. À la STIB, nous cherchons des ouvriers techniques, des électromécaniciens, des ingénieurs également. Et c'est vrai que le personnel de Caterpillar a des profils qui correspondent aux métiers en pénurie chez nous. Et donc, bien entendu, on est tout à fait attentif au fait que c'est une ferme et que nous avons des emplois à proposer. Et donc, on invite évidemment les travailleurs qu'ils souhaitent à venir se présenter à la STIB parce qu'il y a des métiers qui correspondent à leur profil. Une interview de Myriam Ball et des postes à la STIB pourraient intéresser aussi certains travailleurs d'AXA, des informaticiens par exemple. Toutes les offres d'emploi se trouvent sur le site www.stib.be. Le plan canal, pas optimal à Bruxelles. Ce plan doit amener 150 nouveaux policiers dans la capitale pour lutter contre la radicalisation. Une volonté du ministre de l'Intérieur après les attentats de Paris. Mais voilà, visiblement, une partie de ces nouveaux policiers sont mutés contre leur gré. Ce qui ennuie par exemple le patron de la zone police Nord, parce que du coup, ces mêmes policiers risquent de demander aussi rapidement à partir. C'est un risque. On va essayer qu'ils se plaisent ici dans notre zone de police. Mais bon, je veux dire, il faut être honnête aussi. Ici, pour certains, ils ont la possibilité de travailler peut-être dans une unité qui est plus proche de la leur, qu'ils trouvent un défi ailleurs. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ne postuleraient pas ailleurs? Donc, on va essayer de leur proposer de travailler avec nous le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Comme je leur ai dit, à partir du moment où ils franchissaient la porte du local de réunion, je considérais qu'ils faisaient partie de ma zone de police, donc ils faisaient partie de mon personnel, et donc qu'on était ensemble pour prendre en charge ce phénomène de la radicalisation violente. Ouais. Frédéric Dauphin, le patron de la zone de police Nord, interrogé par Hélène Maquet. Et puis une bonne nouvelle de rentrée pour les élus à la ville de Bruxelles. Hier, c'était le premier conseil communal d'après-vacances et l'échevin du tourisme est venu avec le sourire. Les activités organisées ce week-end, fête de la BD et week-end de la bière, ont attiré la grande foule. La météo y est pour quelque chose, mais l'échevin Philippe Claus y voit surtout un signe que les gens n'ont plus peur de revenir dans le centre-ville. On sent vraiment que la vie reprend petit à petit. On n'a pas eu un si mauvais été. Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu un bon été par rapport à la côte, on a eu des baisses de fréquentation, avec 20% c'est vrai de baisse dans le secteur hôtelier, mais on sent en tout cas que les Bruxellois, les Belges commencent à réinvestir Bruxelles, et donc voilà, on va mettre du temps, mais on va reconvaincre tout le monde de revenir visiter notre capitale. La peur est derrière nous? Je pense pas que c'est une question de la peur est derrière nous, mais je pense que la meilleure réponse par rapport à cette peur, c'est de montrer qu'on est ensemble et qu'on a envie de vivre, tout simplement vivre et de profiter de notre belle capitale. Et ces gens qui étaient là ce week-end, c'était essentiellement des Bruxellois au sens large ou alors c'était aussi des touristes? C'était aussi des touristes. Si vous regardez le week-end de la bande dessinée, on avait beaucoup de gens qui venaient des frontaliers, comme on dit, de France notamment. On a beaucoup de succès avec la bande dessinée belge. Et donc, voilà, la semaine prochaine, on aura le Van Damme qui nous mettra dans une Mondiovision. On a toute une série d'événements qui vont vraiment donner une image positive et dynamique de Bruxelles. C'est ce dont Bruxelles a besoin. Des propos recueillis par Philippe Carlo. Et puis une bonne nouvelle touristique qui fera sans doute réagir l'invité de BX1. Ce midi, c'est Françoise Berthiaud, chef de groupe MR au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle évoquera aussi bien sûr la rentrée et les enfants qui sont toujours sans école à Bruxelles. Et justement, on y vient au sport et au Mémorial Van Damme. Le Stade Roi Baudouin s'apprête à vivre donc la grande fête de l'athlétisme. Ce sera ce vendredi soir, l'un des plus grands meetings du monde, donc le dernier de la Golden League. Ce Mémorial Van Damme, c'est l'occasion d'applaudir les meilleurs athlètes de la planète et aussi de réserver une ovation à nos sportifs qui rentrent des Jeux Olympiques. Il y aura bien sûr notre médaillé d'or en heptathlon, Nafissa Toutiam, mais aussi un 400 mètres alléchant avec notamment les trois frères Borlée face à face. Un doute plane tout de même encore pour Kevin qui est blessé au tendon d'Achille. Toujours des petits problèmes à cheville droite, au niveau du tendon, du pied, toujours des douleurs. C'est sous contrôle. Donc voilà, j'ai pris un peu plus d'une semaine de repos, donc je ne me suis pas entraîné sur piste, j'ai fait d'autres entraînements. Maintenant, j'essaye de me remettre dans le rythme. Et, voilà. Vous êtes incertain pour vendredi quand même, vous l'avez dit tout à l'heure? Oui, il y a toujours incertitude parce que voilà, y a la douleur est là. Si j'ai le feu vert des médecins kinés, dire qu'il n'y a pas de risque, normalement je serai présent vendredi. Si ça n'avait pas été le Van Damme, vous ne vous seriez sans doute pas aligné? Ouais, s'il n'y avait pas eu le Van Damme, je pense qu'après Rio, j'aurais terminé ma saison, sûr. Une interview d'Ebi Brouzakis a noté que lors de ce Mémorial Van Damme, les organisateurs remettront aussi la médaille d'or des Jeux de 2008, cette fois, notre relais 4x100 mètres féminin. Elles avaient terminé à l'époque deuxième, mais la Russie vient d'être déclassée pour dopage. Une cérémonie spéciale est d'ailleurs programmée vendredi soir. Et enfin, l'Aïd, c'est dans une poignée de jours, le 12 septembre, et pour encadrer l'une des plus grandes fêtes musulmanes, la ville de Bruxelles mettra un site à disposition pour l'abattage rituel des moutons. Mais visiblement, la demande n'est pas encore très élevé puisque pour Bruxelles-Ville, Saint-Josse et Evere, sur ce site d'abattage, il n'y a actuellement que 192 demandes. Or, l'abattoir temporaire peut en absorber une cinquantaine de plus. Lors de l'Aïd l'an dernier, la ville de Bruxelles avait traité quelques 600 ovins. Voilà qui referme ce journal. Je vous laisse avec Benjamin Maréchal et toute l'équipe du 8-9 et je vous souhaite déjà une très belle journée. À demain. À 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. D'abord, l'horreur à l'âne. Dimanche, une jument poney a été scalpée, oreille arrachée et mamelle découpée. Quel but, quel plaisir, vous répondrez à cette famille qui est sous le choc, et ce n'est pas le premier animal qui a été mutilé de la sorte dans la région. Ensuite, l'homme qui refuse la reconversion, un délégué Caterpillar affirme que son emploi, c'est son emploi, je ne veux pas être bagagiste. Est-ce que cet homme a raison de ne pas vouloir un autre job? Il dit non à la reconversion. Et puis l'ancien délégué syndical qui lance une cagnotte pour aider l'agresseur du commissaire Van der Smissen à payer les 5000 euros de dommages. Est-ce que vous donnerez un sou dans la cagnotte de monsieur Tanguy? Le standard est ouvert, Marion Jomotte. Oui, c'est l'ouverture officielle du standard au 070-233-466 ou par SMS au 3063, 50 cents par message. Les trois sujets de ce matin sont déjà sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. 8h37, on va sur la route avec Serge, notre motard Europe Assistance. Serge, comment ça roule à cette heure-ci? Eh bien, ça roule pas mal, notamment au carrefour Léonard, hein, puisqu'il n'y a plus d'accidents, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il y a un accident en venant de Namur. Des fils, on en a retrouvé, et le carrefour Léonard, justement, mais ça, c'est classique. Alors, on a un petit peu... avant ça, voilà, on a un gros chantier qui vous ralentit pas mal. Vous allez perdre environ une vingtaine de minutes si vous allez vers Bruxelles. Alors, sur le ring classique, là aussi, avec les ralentissements habituels entre Waterloo et les quatre bras. Et alors, les chantiers, il y en a tout un paquet. Hein, je vous rappelle l'avenue Franklin Roosevelt. Et je vous rappelle également les deux chantiers, boulevard de la Woluwe, un sur Woluwe Saint-Étienne et un autre sur Woluwe Saint-Lambert. Merci beaucoup, Serge. Rendez-vous tout à l'heure, dès 15h, dans l'aller-retour bruxellois. Ça, ce sera avec Marc Vernon. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. La 2 en télé. Je vois, il veut qu'on pirate le système de climatisation de Steel Mountain. C'est bien joli tout ça, mais encore faudrait-il pouvoir entrer dans leur bunker. Portail en acier de 3 tonnes. Surveillance armée 24 heures sur 24. Tu veux pas le faire exploser finalement? Mister Robot. De nouveaux épisodes ce mercredi sur la 2. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Que préférez-vous dans les foires au vin? Les bons crus ou les bonnes affaires? Chez Intermarché, on vous propose les deux. Comme ce Côte-du-Rhône Village Vieille Vigne 2015 médaillé en 3 plus 3 gratis, soit seulement 3,29€ la bouteille. À découvrir absolument. Parole d'expert. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90 par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90. Essayez-la durant les journées découvertes. C'est samedi et dimanche chez votre distributeur Volvo. Bon, soit j'ai l'andropause, soit il fait chaud dans cet établissement. Ça, vous avez l'andropause. Oui. Parce que franchement, il fait chaud. Désolé d'être aussi brut, mais... Eh ben, c'est une assez mauvaise nouvelle. Mais je pense aussi. Ah, bon sang. Niveau santé, Sarah, ça va? Tout va bien, mais j'ai pas chaud. Oh, ok, ben, je suis content pour vous. Julie, l'actu musicale tout à l'heure. Alors, on va revenir un petit peu sur la carrière de Sting. Il sort un nouvel album, donc voilà, on écoutera un extrait. Ah ben, nous serons là. Ça va la santé, Jérôme? Oh, merci. Oui, bah, ouais. Maintenant que je vous vois, ça va beaucoup mieux. Je vous remercie. Bah, moi aussi. Votre phlébite va bien. Mais écoutez, on peut s'inquiéter de la santé. Non, mais vous avez raison. Des autres, alors sinon, on vit dans un monde où on se croise jamais, on mais se parle jamais. Alors bon, sortie littéraire ce matin. Peut-être avez-vous déjà croisé en librairie, hésitez, Le Miroir des Illusions, signé Vincent Engel, auteur belge, qui est donc là ce matin. Bonjour Vincent Engel. Bonjour. Je raconte le début de l'histoire qui est fascinant. Donc le jeune homme s'appelle Athanasio. Il est chez le notaire et il découvre donc le courrier de son protecteur, Don Carlo, qui est mort. Et Don Carlo lui demande de le venger. Donc si tu veux l'argent, venge. Tue ma femme, tue l'amant, tue les enfants. C'est ben délicieux. Oui. C'est ça s'appelle un héritage. Hein, c'est un... Ouais. C'est pas comme ça que ça se passe chez vous. Mais la condition est forte quand même. Ouais. Tuer quatre personnes, alors c'est là que je voudrais vous entendre sur la particularité. C'est pas juste tuer, c'est avant de tuer, inflige-leur une souffrance telle qu'ils le sentiront. Pourquoi? Parce que lui, il a souffert toute sa vie à cause de sa femme, à cause de l'amant de sa femme, à cause d'autres choses qu'on découvrira à la fin du roman. Je ne vais pas dévoiler. Voilà, donc c'est un homme qui a construit le sens de sa vie sur une vengeance, mais ce qui fait la particularité de son projet, c'est que c'est une vengeance dont il ne verra pas l'accomplissement. Ah oui, puisqu'il parce est que, mort. Parce qu'en plus, il sait que quoi qu'on prévoit, quels que soient les plans que l'on construit, il y a toujours un grain de sable qui va venir venir se mettre dedans et que les choses ne se passeront jamais exactement comme on l'a prévu. Donc il préfère rester au niveau de l'imaginaire et il confie cette mission à son fils aussi pour voir comment lui va se comporter. Est-ce qu'il a vraiment réussi à le façonner toute son enfance, il l'a dressé pour accomplir ça. Oui, il est une emprise psychologique, même à distance. J'aime bien cette phrase quand il parle dans la lettre qu'il envoie donc à Athanasio via le notaire. Il écrit à propos de sa femme Alba: j'ignorais alors en la rencontrant que les femmes tiennent plus des champignons vénéneux que des chevaux. Ça veut dire quoi que les femmes tiennent des champignons vénéneux? Alors, il faut préciser qu'il a deux obsessions, Don Carlo. C'est d'abord effectivement la manière dont les champignons se reproduisent et s'étendent. Il dit on ne sait jamais exactement où le champignon va sortir, ni comment. Vous sentez ramer un peu, Julie? J'ai l'impression qu'il rame un petit peu. Non, on parle de champignons, vous vous adressez à Julie. Associer les femmes aux champignons. Il y a des champignons qui sont délicieux. Hein. Mais celles-là sont vénéneuses. Ça veut dire qu'il faut se méfier des femmes? Non, ça veut dire que lui se méfie des femmes. Vous savez, on raconte quand et on vous, raconte vous des méfiez histoires. Des femmes? Je ne me méfie pas des femmes. Pourquoi vous commencez le livre par la citation suivante? La vengeance a-t-elle jamais consolé d'un amour perdu? Testons ça autour de la table. Est-ce que la vengeance console d'un amour perdu? Absolument. Sarah? Absolument pas. Julie? Oh, ça peut faire du bien. Ouais, Jérôme? La surenchère? Oui, sûrement. Ah, et vous? Est-ce que la vengeance sérieux console d'un amour perdu? Non. Ah non, il non, pas non. Hésité. Ah non, je pas. Non, évidemment, je pense que la vengeance c'est une passion totalement destructrice. J'ai écrit un roman pour raconter une histoire dont j'étais totalement incapable dans la vie. Je suis totalement incapable de vengeance. Il y a des gens à qui j'en veux terriblement. Je me dis le jour où je croise, je pense à certains profs que j'ai eu en humanité par exemple. Ah. Le jour où je le croise, je le démolis et je sais que le jour où je le croise, je vais lui dire bonjour, comment allez-vous et je vais lui proposer d'aller boire un café ensemble. Justement, parce que là il se la joue auteur belge respectueux, respectable et on découvre qu'on a affaire une petite Kaira, un mec qui shotte dans les canettes. Donc, vous étiez au collège Cardinal Mercier à l'époque, donc plutôt au Cancre apparemment. Ouais. Ce que je voulais en passant le jury central, ce que je voulais, c'est prouver à mes imbéciles de profs du secondaire que j'irais plus loin qu'eux. Oui. C'est dur ça à propos de vos profs. Non, pas tous, hein. À certains. Celui dont je parlais, là, tout à l'heure. Tout sauf celui de Jim. Non, il y avait un désir de vengeance sur vos profs, quoi. Non, je de revanche, trouver, les gars. De revanche. Pas de vengeance, de revanche. Ouais. Parce qu'effectivement, ils avaient dit que je finirais pas mes humanités. Ouais. Et par chance, pour moi, j'avais un père pour qui il était impensable non seulement de ne pas finir ses humanités, mais de ne pas avoir un diplôme universitaire. Mmh. Et donc, j'ai passé le jury central. Ça a été génial. J'ai adoré ça. J'allais plus à l'école. Je travaillais tout seul chez moi. Et vous êtes retourné à la sortie leur dire, tu vois, toi? Oui, alors je suis retourné, effectivement, quand j'ai eu mon jury central, je suis retourné, je suis tombé sur celui dont je parlais tout à l'heure et dont je ne citerai pas le nom, c'était un prof d'anglais. Et je lui ai dit, voilà, j'ai réussi. Et il a eu le culot de me dire, ah ben tu vois, c'est grâce à moi. Oh là là. Et là, vraiment, j'ai eu un coup de sang, mais... Et vous l'avez tué. Je ne l'ai pas proposé d'aller boire un café non plus. Ah, mais l'histoire est décevante, je m'attendais à ce Moi aussi, mes profs d'humanité m'ont dit que je ne réussirais jamais mes humanités. Ah ben voilà. Ils avaient raison. Ils sont lucides. Visionnaire. Alors, ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes à la fois auteur, le miroir des illusions, Vincent Engel, mais vous êtes aussi professeur dans la vraie vie, à l'université. Oui, vous êtes prof de quoi? Littérature. Où ça? À Louvain et à l'IEX. Ils accrochent un peu, vos élèves, vos étudiants? Bah écoutez, ils m'ont pas encore mis à la porte. Ouais, c'est que ça fonctionne. Donc c'est que ça fonctionne, ouais, plus ou moins. Ouais. Quel Kaira celui-là, quel shotteur dans les canettes. Donc, vous êtes ami avec Franco Dragone, vous avez travaillé avec lui pour affiner la dramaturgie de ses spectacles. Il est ami avec Franco Dragone et il dit « Moi je déteste le cirque, je déteste Céline Dion. » Et alors il aurait pu rajouter « Je déteste les Italiens. » Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, j'adore les Italiens. Et je veux bombarder la Louvière. Oh, c'est pas la peine. Que vous détestiez le cirque, je comprends. Mais Céline Dion, Céline Dion. Pourquoi pas? Mais elle n'est pas vénéneuse. Elle est gentille. Ah oui, c'est vrai. On peut dire ça. Elle est gentille, oui. Quand on a vu le Père Noël est une ordure, on sait ce que cette réplique vaut. Ne comparez pas Zézette à Céline Dion. Enfin, ça, c'est vraiment d'un goût. Alors, Vincent Engel, je ne raconte pas la fin, mais il faut évidemment aller jusqu'à la fin. On a fait le début qui est évidemment terrible, teinté de revanche, d'ironie, de suspense. C'est encore plus dur à la fin qu'au début? Je sais la fin, mais... Ah oui, parce que j'allais vous demander... Oui, vous non, ce que j'ai vraiment voulu, c'est que jusqu'à la dernière page, les lecteurs soient surpris. et que donc ils échafaudent des théories, disant c'est comme ça, c'est lui, etc. Et ben jusqu'à la dernière page, il y a un coup, il y a un coup de théâtre. Il y a un truc, ça donne des idées. Si vous venez de vous séparer, lisez Le Miroir des Illusions. C'est pour signé, aller bien, pour aller mieux, beaucoup mieux, très très vite, très. Ne mangez plus de champignons. Voilà. Et dès que vous aurez un héritage, pensez à ce bouquin qui sera majeur dans votre bibliothèque. Merci d'être passé ce matin. Merci Vincent à vous. Engel. Merci à vous. Dans un instant, vous nous raconterez vos meilleures vengeances dans le Kikadi. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaisa, partenaire naturel de Cap 48. Chérie, combien de temps avant 22h ? 8 secondes. T'es prête ? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire. 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti ! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat ? Je sais plus. Arrête-moi ça ! Arrête-moi ça ! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. Excusez-moi, la Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a ? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a ? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Ah oui. Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offert sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Portes ouvertes ce week-end, dimanche compris. Offre soumise à condition. On n'est pas des pigeons, vous non plus ? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Le 8-9. Le 8-9 est Kikadi à Stavlo. Bonjour Grégory. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes pour la vengeance, vous ou pas ? Oh non, pas du tout. Moi, je suis pisseleux. Ah bah ça c'est bien, ça c'est bien. Vous êtes pour tuer des gens ou pas ? Non, on va éviter aussi, on va éviter la prison tant qu'à faire. Oui, bah alors arrêtez de réfléchir quand je vous pose la question. On a beaucoup de lâches ce matin. Si le corps disparaît. Mais c'est, vous avez raison. Mais oui. Peut-on jouer avec un lâche ? Mais je ne sais pas. Mais oui, car nous sommes lâches nous-mêmes. Alors Grégory, c'est le Kikadi de ce matin, citation à identifier, vous pourrez choisir l'aide d'une seule personne autour de la table. Un cadeau à la clé, un mot imposé à Jean-Luc Fong. Kikadi, le Ravel est à quelques minutes du cabinet à Namur et il m'arrive d'aller courir entre deux réunions. Lorsque je fais 4 jours sans sport, il y a comme un manque en moi. Le Ravel est à quelques minutes du cabinet à Namur et il m'arrive d'aller courir entre deux réunions. Lorsque je fais 4 jours sans sport, il y a comme un manque en moi. Qui a dit ça ? Le ministre Carlo Di Antonio, qui aime aller courir ? Charles Michel, quand il passe à Namur, discutait avec Paul, qui aime aller courir ? Ou André Antoine, qui aime aller courir quand il n'est pas au Parlement ? Est-ce que vous souhaitez l'aide de Jérôme, de Julie ou de Sarah ? De Jérôme. Jérôme, c'est pour vous. C'est que tous les trois aiment bien faire marcher les gens. Maintenant, j'hésite évidemment entre... Votre Carlo ironie n'aide pas, non, Grégory. Non, absolument pas. N'aide absolument pas. Mais je pense quand même qu'André... Je crois avoir... Oui, alors... André Antoine, voilà. Okay, parce que je pense. Il tourne autour. Non, mais je... Bon. Grégory, vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre, hein ? Moi, j'avais envie de choisir la première réponse, parce que Charles Michel, ça me semble pas vraiment réaliste. Alors, donnez-moi un nom maintenant. Lequel ? Ah, le premier, rappelez-moi comment il s'appelait. Di Antonio, Michel ou Antoine ? Allez, Di Antonio. Oui ! Oh ! J'ai eu peur que vous ne suiviez ! Oui. C'est-à-dire qu'on s'est tous suivis, mais finalement, on a bien fait. Vous avez bien bon fait. Bravo. Grégory, vous avez le flair et cette belle leçon de morale, ne jamais faire confiance au mec du 8-9. Bravo, grâce à ça. Ni aux femmes. Personne. L'Ice Watch Style Dark Knight. Ah oui. Est à vous. Ah, elle est belle. Ah, elle est belle. Elle est unisexe en plus. Vous la gardez ou vous l'offrirez à quelqu'un, Grégory ? Oh, je l'offrirai à ma femme. Ah bah ça va lui faire super plaisir. Il faudra qu'elle tue pour que vous lui offriez. On peut tuer par amour, monsieur. On peut tuer une fois par amour, mais on peut pas tuer mille personnes. Fois, ouais, enfin, bon, hein. Pour une montre. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc Fong pour vendredi ? Ce sera toxoplasme. Ah, pourquoi? Parce que je suis sûr qu'il va réussir à tourner ça de manière rigolote. Et c'est un clin d'œil pour un de mes collègues de boulot, donc c'est le pseudo. Et un clin d'œil pour... Ah oui, attendez, j'ai plein de questions. D'abord, ça veut dire quoi, toxoplasme? Ça veut dire quoi? Toxoplasmose. C'est une maladie, non? Le toxoplasme, c'est le parasite qui est responsable de la toxoplasmose. Ok, oui. Et vous êtes dans la vie, vous êtes quoi? Moi, je suis informaticien et je bosse pour un hôpital, en fait. Ah, voilà, voilà, c'est pour ça que je voulais le faire. Pas du commun. Mais c'est surtout un clin d'œil à ma femme qui est enceinte et qui n'est pas immunisée contre la toxoplasmose. C'est ça. Oui, pas d'Américain. Voilà. Et elle accouche quand, d'un petit Grégory? Début février. Ah, génial. Bravo. Vous l'appellerez Jérôme ou Benjamin? Ni l'un ni l'autre, ce sera une fille. Ah, Julie ou Sarah? Julie ou Sarah? En fait, on ne sait pas encore. Myxomatose, peut-être. Alors, tu me gardes la montre, tu lui envoies pas. Il a quelque chose à un bon prénom. Bonne journée, Grégory, à bientôt. Salut. Bonne journée. Dans un instant, elle s'appelle Julie et connaît Sting. Vous n'avez pas l'occasion de saisir la balle au bon et de vivre le match des Diables Rouges chez vous? Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez le match où vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Conditions de lancement exceptionnelles pour les nouvelles Suzuki Baleno et Suzuki S-Cross chez Dayway Car Center. 250 euros de remise supplémentaire sur toute la gamme pendant les Attraction Days, les 9, 10 et 11 septembre. Dayway Car Center à Maze et à Vilvoorde, votre concessionnaire Suzuki du nord de Bruxelles. Dayway Car Center. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW série 2 Active Tourer Edition à partir de 27 400 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Un problème, Camille? Non, c'est juste les joies de la rentrée. Les enfants laissent toujours tout traîner. Camille, vous avez besoin de rangements sur mesure Camber pour démarrer la rentrée bien rangée. Vestiaires, bureaux, placards sur mesure, les architectes d'intérieur Camber ont plein d'idées pour vous conseiller. En plus, chez Camber en ce moment, c'est l'action Back to School. Camber, more space for your place. Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Jusqu'à 9h, le 8-9. Vas-y, question d'intérêt général. J'y vais. La Quig, le pape a canonisé Mère Teresa. Quelle belge auriez-vous proposé pour une canonisation et pourquoi? Loulou Godet propose Charles Michel parce que lui aussi s'est mis au service des plus pauvres. Albert de Médeux, le pied soit long, il aime tellement les pauvres qu'il en fabrique. Oui, alors voilà. C'est bon, politique, mais c'est très politique. Ah oui, non, mais voilà, c'est de l'intérêt. Hein. Ah ben c'est la Quig. Yvan Mayer préconise l'installation d'un nouveau parking place de l'Isère. Comment le nommeriez-vous? Bon, vous répondez à ça sur la page Facebook du 8-9, bien sûr. Yvan Mayer. Oui, bien sûr, bien sûr. La place de l'Isère, donc à Bruxelles, c'est près de la gare du Nord. Hein, c'est dans ce coin-là, un peu. Répondez sur la page Facebook du 8-9. C'est là que vous laissez tous vos commentaires, ceux-là et les autres. On corrige ça ensemble demain. Il est 8h55, Julie donc de retour de vacances, on n'avait plus de ses nouvelles depuis un mois et demi, pas un coup de fil, pas une carte postale, un cadeau, non bien sûr, vous avez ramené un truc? Bah, non bien sûr, l'actualité musicale avec Sting. Oui, il revient, hein, le maître, 64 ans hein, Sting, et il nous a offert ça avec Police, on se souvient de cette belle chanson. Ah ouais, je vous ai envoyé pourtant une bouteille quand j'étais près de la mer, vous l'avez pas reçu? C'est plein de poésie. Enfin, bon, bref. On se souvient aussi de cette version de Englishman in New York. Comme vous, qu'elle traînerait le long des plages. Vous ramassez les bouteilles qu'elle lance à la mer. Ne vous inquiétez pas, je discute avec Jérôme pendant que vous travaillez. Non, mais je vous en prie, mais écoutez aussi Englishman in New York, ça, on se souvient, c'est un très très beau souvenir, magnifique. Il boit plutôt du thé que du café, c'est ce qu'il explique dans la chanson, etc. Ceci dit, il est encore jeune. Je suis étonné de son âge. De quoi, Sting? Ouais, je suis étonné, il est encore jeune, ouais. Normal, quoi. Enfin bon, voilà, il revient. Ah, c'était pas dans 61, t'es rien. Ah, bah, voilà. Et on se souvient aussi qu'il avait fait un super beau duo avec Cheb Mami. Je sais pas si vous vous souvenez de ce morceau. Ouais. C'était vraiment, c'était en 1999, c'est un magnifique morceau. Enfin bon, voilà, il revient avec un 12e album studio, enregistré en 4 mois. Et le nom de l'album s'appelle 57th and 9th. Je ne sais pas si je le dis bien, mais en fait, ça fait référence à un carrefour à Manhattan où il passait tous les jours pour se rendre à son studio. Il a enregistré cet album en seulement 4 mois, donc c'est dire qu'il a eu une certaine fougue. Et voici le premier extrait de cet album, ça s'appelle « I Can't Stop Thinking About You ». C'est rock, ça parle d'amour, c'est magnifique, écoutez. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est quand même, c'est très très rock. Hein. C'est donc très vous Sting. Habitué, ouais, c'est très Sting, on le sent bien. Des belles lignes de guitare, des belles lignes de basse aussi. On peut voir, si on regarde sur YouTube, il y a un teaser de la fabrication de son album. Et c'est quand même assez, voilà, il explique qu'il l'a vraiment fait dans la fougue. Il enregistre dans sa cabine avec sa basse, donc il joue de la basse en même temps qu'il enregistre ses morceaux. Peut-être demander l'avis d'une ménagère directement autour de la table. J'en retourne, Sarah. Sarah, ouais, comment vous trouvez? Oh, très bien, c'est très radiophonique, ça va cartonner. Ouais, hein. C'est clair. Peut-être demander l'avis d'un cadre dynamique. Oui, John Carlo Dynamiche, c'est moi. John Carlo Dynamiche. Écoutez, à 64 ans, il est quand même fabuleux ce type. Oui, fabuleux. Qu'est-ce qu'il prend ? Je veux la même chose. Et dans cet album, il aborde plusieurs thèmes. Hein. Il aborde aussi la disparition de ses copains, hein, Bowie, Lemmy de Motorhead et Prince. Il parle aussi des changements climatiques. Il aborde aussi le thème de l'immigration avec une chanson qui s'appelle Inch'Allah. Donc voilà, c'est vraiment un album qui sortira le 11 novembre. Un album à découvrir si on aime Sting et si on ne le connaît pas, bah voilà. C'est Ah ben dans la série Retrouvailles, je voudrais vous signaler que demain c'est le groupe Cocoon qui sera notre invité. Vous souvenez de Cocoon? Ouais, I Can Wait. Ils avaient disparu, et ben voilà qu'ils reviennent. Alors souvenez-vous, il y avait une nana dans le groupe, elle est plus là. Donc demain c'est que l'homme qui sera avec nous. Cocoon demain dans le 8-9. Et alors j'ai encore quelque chose à vous proposer. Vous savez, Jean-Michel Verel, c'est notre programmateur musical et parfois il reçoit beaucoup de choses dans son panier. Et alors il a reçu LP. LP, c'est Laura Pergolizzi et c'était vraiment une découverte coup de cœur pour lui. Moi je l'ai écouté sous son concert. Et je vous le présente aujourd'hui parce que c'est magnifique, ça s'appelle Lost on You. Ça va bientôt rentrer dans la programmation de Vivacité, mais pour le moment pas encore, donc je vous propose de découvrir ça. La vie d'une ménagère. Belle voix. Ouais. La vie d'un cadre. Mais donc elle ne sort pas du cadre de Voice ou d'une quelconque. Non, pas du tout. Elle a déjà 15 ans de carrière. C'est son troisième album. Et donc voilà, je vous propose. J'ai encore perdu une bonne occasion de me taire. Merci. Merci d'être venu. Merci infiniment. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît. Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Denis. Oui. Quoi ? Le soleil revient, vient, mais il y a encore quelques nuages. Ils vont se morceler dans le courant de la matinée. C'est un petit peu gris sur l'ouest, mais c'est déjà bien ensoleillé sur l'est et maintenant le sud. Et les éclaircies vont gagner du terrain aujourd'hui. On attend déjà 21 à 25, voire localement 26 degrés du côté de la Campine. Demain et après-demain, on sera au-dessus de ces valeurs 23, 28, 23, 29 pour mercredi et jeudi. Et puis vendredi, samedi, 21 à 25 degrés à nouveau, donc quelques belles journées devant nous. Vous êtes sur Viva, il est 9h. Le journal, Nathalie Servet, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et il y a quelques jours de la rentrée universitaire, en Polytech, les futurs étudiants passent leur examen d'entrée ce matin. Oui, une partie de cet examen en tout cas, puisqu'aujourd'hui ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains, c'est l'épreuve de trigonométrie qui est au programme, une épreuve qui se déroule en même temps dans toutes les facultés de Polytech de la Fédération Wallonie-Bruxelles. À Mons, Simon va s'installer dans l'auditoire d'ici une demi-heure avec 129 autres étudiants. Pour lui, c'est clair, cet examen d'entrée est stressant, mais il peut aussi éviter de